Je veux le corps des femmes et la guitare des musiciens, la peau d'une sultane encore humide sous mes mains. Je veux sentir les flammes de leurs désirs jusqu'au matin. Je veux que sous mon charme elles se sentent bien. Je veux que l'on me serve encore des bouteilles de vin, versez-les sur leur corps, que je les boive sur leur sein. Je veux rester la nuit, j'aurai pas besoin de dormir, tant qu'il y aura ici des femmes et du plaisir. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir, pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Je veux le corps des femmes et la musique jusqu'au matin, les yeux d'une gitane pour que je leur fasse du bien. Jouez, jouez encore sur vos guitares, versez du vin. Jouez, jouez plus fort pour que je prenne jusqu'à demain.